Vous êtes membre de l'équipe Primrose? Non. Violet. Elle est où, l'équipe Primrose? Ils sont allés où? Ils n'étaient pas ici quand ça t'est arrivé. Quand vous avez tous fait ce que vous avez fait.